J'ai un petit buzz dans le casque, c'est pour ça que je... Toi aussi ? Oui. Ouais. Alors, débrancher le tourne-disque. Ça suffit pas. Alors, je crois que c'est ce micro-là. Voilà, je vais mettre un peu moins fort. C'est celui-là qui buzz si je mets trop de gain. Donc je disais oui, les rencontres encore heureuses, c'est aussi des séjours, c'est aussi manger ensemble, c'est aussi fabriquer le quotidien. On parlait tout à l'heure de ce moment du Café des Habitants, où on échangeait un peu sur ce qui se passait dans la journée. Et il y a aussi une deuxième composante qui peut être un lien dans ce qui nous réunit cet après-midi, c'est aussi la question des ateliers. Et cet après-midi, on reçoit Martine, Jean-François du Polygone Étoilé, ainsi que Benoît, et bon, Léla vient de partir, qui ont édité un livre autour d'un quartier dans le nord de la France, et dont on parlera aussi, mais qui n'est pas sans lien avec aussi des histoires d'ateliers. Et donc, on va parler cet après-midi des choses que vous avez apportées. Et aussi peut-être d'essayer de faire ce lien avec ces objets et les ateliers. Puisque je disais tout à l'heure à Jean-François que au Polygone, enfin en lien avec le Polygone, vous avez édité ce livre sur René Vicor qui s'appelle « Présence proche ». Et en bavardant tout à l'heure, on notait aussi que ça pourrait être aussi une façon de parler des ateliers, c'est-à-dire quelque chose qui se tisse dans une continuité de présence. Et c'est un peu l'objet d'un des articles aussi dans le petit ouvrage sur René Vicor que vous avez fait, qui a fait un film sur une prison, dans une prison à Marseille. Mais on va peut-être commencer, je veux bien que tu me relaies un petit peu pour introduire le travail sur le quartier de Pont-Rompu, dont vous avez amené des photographies et qui ont commencé à être exposées dans le grand hall. Oui, vous m'entendez, ça va ? Pas du tout. C'est bon, ça va ? C'est bon ? Ouais. Oui. Bon, ouais. Oui, juste, voilà, je m'appelle Olivier, je fais partie du collectif Encore Heureux, et je fais partie de ce qu'on appelle la puissance invitante. Donc on est ici en fonderie. Et oui, JB me posait une question liée à la confection et au travail que l'association Etouchan avait fabriqué depuis bien des années maintenant dans ce quartier à Tourcoing, hein, qui s'appelle le Pont Rompu, qui est juste à côté de... Enfin, qui est pas très très éloigné non plus d'un jardin qui s'appelle qui est Jardin Rue des Martyrs, à propos duquel vous avez aussi par ailleurs il y a quelques années fait un documentaire. Tout ça pour dire que avant la confection de ce livre et avant ce qu'on pourrait dire l'accueil de ces photographies qui ont d'abord été une proposition d'exposition puis de livre, qui a donné l'occasion aussi à un recueil de témoignages des gens qui sont les sujets même de inscrits dans les photographies. Peut-être une petite chose au préalable qui est un peu aussi une façon de faire le pont avec le Polygone Étoilé à Marseille, c'est que il y a quand même une chose que vous faites depuis quand même plusieurs années, depuis même le temps, même avant qu'on se connaisse, qui est quelque chose lié à l'implantation dans ce qu'on appelle un quartier, ou une zone ou un territoire particulier dans lequel vous vous êtes mis, on pourrait dire, au travail. Et c'est un peu un des points communs entre, on pourrait dire, avec les différences et aussi ce qui se répète entre le Polygone qui est un quartier de, enfin, qui est dans un quartier de Marseille, pardon, et vous qui avez travaillé dans le quartier du Pont-Rompu, mais pas simplement le Pont-Rompu. Donc la question, ça serait peut-être de commencer par et de tenter de raconter un peu, puisqu'on est en radio, qu'est-ce qu'il y a, d'une part, non pas l'origine du travail, mais qu'est-ce que vous fabriquez en fait, et c'est quoi vos actions et votre politique au sein de ce quartier, et qu'est-ce qui se passe, et en termes d'image, et en termes de recueil de sons, de photographie, et puis aussi de travail social, on pourrait dire, pour aller jusque-là. Donc Benoît, je passe la parole à Benoît Prin. Je crois que la première chose dans ce genre de contexte, c'est toujours des tentatives. Et c'est aussi des manières de survivre, en fait, parce que l'histoire, par exemple, de la fabrication des jardins des martyrs qu'on a fait dans les jardins ouvriers du Pont Montpus, c'est parti. On nous a demandé de faire un atelier dans un quartier qu'on ne connaissait pas, qui s'appelait le Pont Montpus. Et comme on ne pouvait pas tourner dans le quartier, parce que je ne veux pas répéter tout ce qui se passe en général dans ce genre de quartier, mais c'est très difficile de braquer des gens avec des caméras, même si c'est des gamins du quartier qui les tiennent, parce qu'il y a des enjeux de... On sait très bien de deal, de contrôle de territoire, qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc avec les jeunes, avec 5-6 jeunes avec qui on était dans l'atelier, on a vu des jardins ouvriers, on s'est dit là on va pouvoir un peu travailler, tu vois, filmer des choses, des gens, réfléchir à comment on peut se mettre à parler aux gens avec une caméra. Et en fait, la majorité des jeunes, les vieux jardiniers, ça les intéressait pas. Donc il n'y a qu'une participante qui restait avec nous. Et les autres, ils ont fait un film sur les agents de sécurité du haut champ voisin avec lesquels ils n'arrêtaient pas de se friter depuis 15 ans pour aller leur demander pourquoi ils se fritaient ensemble, quoi, tu vois, pour essayer de comprendre. Oui, il faut dire que, juste pour information, c'est que le Auchan qui est installé à côté de ce quartier, historiquement, c'est le premier en France qui s'est installé. Ouais. C'est la première grande surface. Le premier hypermarché. Le premier hypermarché, ouais. Donc c'est aussi une spécificité de la région. Qui est une espèce de truc énorme. Le quartier est coincé entre ce qu'on appelle le boulevard industriel qui servait d'approvisionnement des usines depuis la fin du 19e siècle. Ouais. Et de l'autre côté du quartier, il y a le Auchan. Donc on est entre deux... On ne sait pas trop où on est, quoi. Enfin, en termes d'organisation urbaine, on est quand même vraiment loin du centre. On est, et voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Bon, on a été au bout du film. Les jardiniers ont été beaucoup diffusés. On a eu de la chance par rapport à la télévision, par rapport à... On a réussi à... Il a vraiment tourné. Je crois qu'il a parlé à pas mal de gens. Le film d'atelier sur Auchan a aussi été diffusé, ce qui a permis aux jeunes aussi de présenter et d'y aller seuls et de se retrouver, être obligé de parler de ce qu'ils avaient fait devant des publics, ce qui n'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, je crois. Mais en tout cas, c'était super formateur pour eux. Donc pour nous au début, pour nous, c'était plutôt positif, quoi. Enfin, et bon, en même temps, c'est clair qu'on a tissé des liens. C'est clair quand tu travailles avec des gens, tu commences à les aimer aussi. Y en a qui peuvent pas, qui t'aiment pas. Bon, bah, c'est toujours pareil. Mais tu utilises des liens très très personnels avec des gens du quartier comme ça, quoi. Enfin, bon. Puis après, on avait quand même cette espèce de fantasme parce que nous aussi, Lila et moi, on est issus d'un quartier un peu pareil à Grande-Synthe, dans la banlieue de Dunkerque. Et on avait un peu ce fantasme de redonner la parole avec la caméra qui tournait à la fin des années 80, début 90. Donc on était un peu dans cette dynamique-là, quoi. On était un peu... Oui, et juste pour revenir un poil en arrière, puisqu'on commençait par Les jardiniers de la rue des Martyrs, qui est effectivement un film tourné dans un territoire particulier, qui est une zone qui sont des jardins ouvriers, donc il y a une espèce de... particularité du Nord, c'est quand même une tradition des jardins ouvriers aussi, surtout lorsqu'on est à côté de ce qu'on appelait l'industrie, quoi. C'était les parcelles de territoire qui étaient données ou louées pas cher pour que les gens puissent quand même continuer à cultiver leurs légumes et puis à faire autre chose qu'à l'usine aussi. Ce qui est important, et même aussi par rapport à la question de Marseille, c'est que ce film, dans mon souvenir, c'est quand même au travers d'une parole qui est faite par produite par des jardiniers. Ce qui est quand même assez remarquable, en tout cas, c'est que ce sont à la fois des anciens, c'est plutôt des anciens de la guerre d'Algérie quand même, qui cohabitent dans un jardin, dans des jardins ouvriers. Et tant aussi bien de Français qui ont fait la guerre là-bas que d'Algériens rapatriés après, qui se sont installés à Tourcoing. Et donc en fait, c'est aussi un film sur cette guerre, on pourrait dire. Ouais. Parlé par les habitants eux-mêmes et par ceux qui l'ont faite au degré plus bas, quoi. Je crois que ce qui était intéressant, c'est qu'on était en 98 et on est rentré dans un jardin. Les gens avaient tous, 70 ans en gros, et ils avaient tous l'âge d'avoir fait la guerre d'Algérie, donc ils l'avaient tous fait d'une certaine manière. Ils l'avaient vécu à des places différentes, mais tous. Et en plus, il y avait une espèce de ségrégation français, arabe, qui représentait, qui métamorphait, même pas de manière métaphorique, qui était aussi une division du territoire qui faisait penser à des souvenirs coloniaux, en fait, des manières de se parler, de ne pas se parler, de, un travail, une compétition autour de l'eau. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte en tournant que chaque parole résonnait beaucoup en lien avec cette division du territoire qui vivait dans le lieu au moment où on y était, en fait. Je crois que le film marche grâce à ça beaucoup, parce qu'il nous raconte autre chose que ce que nous racontent parce qu'ils sont aussi, ils étaient aussi beaucoup dans le non-dit, quoi. C'est des choses je pense qu'on ne les a jamais forcés à nous raconter les horreurs qu'ils avaient pu vivre. On était un peu... on essayait de les écouter, quoi. Enfin, voilà. Et vous ? Pardon, je me permets de switcher. Il y a ce petit extrait, peut-être qu'on pouvait passer. Si tu veux, tu avais parlé d'un petit court passage d'un des entretiens qui est dans le livre, ouais. Avec Salah. Et donc, parce que le livre est fait aussi à partir, donc le livre qui s'appelle On débutait tous, qui comprend les photos qui sont exposées dans la fonderie en ce moment. Et donc, le travail de ces photos, c'était aussi de parler des photos avec des personnes. Et peut-être ouais. Tu pourras nous en dire un mot après, on peut écouter ce petit extrait qui est tiré d'un commentaire d'une photo de 1974 où on voit quatre jeunes hommes devant une butte avec des peupliers se tenir les épaules. Qu'on avait quoi, 16 ans, 16, 17 ans, on commençait à sortir en boîte de nuit. Donc principalement en Belgique, parce que en France, on était souvent refoulés. Pour nous, les Algériens, il nous fallait un passeport et un visa. Donc on était souvent coursés par la police locale, la police belge. Ils nous chargeaient, ils prenaient de leur combi et ils allaient nous jeter en plein champ, à quelques kilomètres, encore plus loin de la frontière, pour qu'on galère pour revenir vers la France, quoi. Ah, toutes ces petites mesquineries. À Tourcoing, on était très mal vus dans le centre-ville. Les propriétaires d'établissements affichaient carrément leur hostilité. Il faut dire le mot, ils étaient racistes. Les gérants étaient racistes. Et puis même la police à l'époque, c'était des gens qui avaient, pour la plupart d'entre eux, avaient fait l'Algérie. Donc quand ils intervenaient, c'était tout de suite pour... on se faisait embarquer, puis on nous amenait au commissariat sous prétexte de contrôle d'identité, puis on était gardé là quelques heures, et puis après on nous conseillait d'éviter d'aller dans ce genre d'établissement. Rester dans peut-être le corps, tu peux dire quand c'était dit gentiment. Hein. Les photos, sinon, le lien souvent, avec le livre en termes de texte. Les insultes et les provocations. Ce que vous avez fait pour travailler. Le mot bougnoul, c'était... Exactement. D'abord, les photos, c'est une association du quartier qui s'appelle le quartier des Ruisseaux, qui a fait une collecte de photos, comme ça, qui a demandé aux gens qui connaissaient s'ils avaient des photos du quartier. Un peu dans la veine, à un moment donné, c'était un peu la mode, l'histoire des quartiers, machin, tout ça. Donc ils avaient collecté beaucoup de photos, dont beaucoup de diapos prises par des éducateurs de rue, qui est arrivé en 73. Et je crois que c'était une expérimentation, en fait. C'était parmi les premiers éducateurs de rue en France, sur certains quartiers, comme ça. Donc ils avaient fait plein de photos, sauf qu'ils se rappelaient plus de qui était derrière l'appareil, quoi. Quelque part, c'était pas leur problème, c'était garder des souvenirs de fêtes de quartier, de sorties. Donc nous, on les connaissait bien, les gens des Ruisseaux, et on leur a proposé à un moment donné de faire une expo et d'aller demander aux gens qui étaient sur les photos de nous parler de ces photos, justement, pour peut-être se souvenir de ce qui se passait à ce moment-là, ou même simplement de qui y avait sur les photos. Et forcément, ils nous parlaient d'autre chose, quoi. Tu vois, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il ne nous répond jamais, donc il faut toujours peut-être lui demander autre chose pour qu'il nous réponde, quoi. Donc les entretiens sont basés là-dessus. C'est des gens qui sont sur les photos et qui nous parlent du moment de la photo. Voilà, le point de départ, c'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, vous avez recueilli des paroles de gens qui parlent depuis les photos qu'ils regardent, dans lesquelles la plupart du temps ils sont. Et puis à partir de ce moment-là, il y a eu probablement ce qu'on pourrait appeler un travail de montage, auquel Martine, du Polygone, qui est là avec nous, nous a grandement aidé pour fabriquer le livre. Ouais. Et comment dire, c'est compliqué, mais parce que le livre, il y a ses photos, et puis il y a ses paroles, et puis il a quand même une teinte particulière qui est celle d'une forme de vie, de souvenir de vie qui se déploie, qui est pour moi une espèce de portrait d'un état de la France à un moment donné, on pourrait dire, mais vu depuis aujourd'hui, puisque les gens parlent aujourd'hui. Et il y a aussi quelque chose comme une grande nostalgie d'une vie possible, c'est-à-dire que ce qu'on imagine toujours, quand on est jeune, ce qu'on appelle la vie des quartiers, c'est qu'on se dit, oh, c'est le dawa, ça se passe mal et compagnie, mais que là, finalement, malgré le monde, le nombre d'enfants, ce qu'on voit dans ces photos quand même, c'est que, par exemple, les quartiers, c'est le quartier habité, au sens où, par exemple, les enfants sont dans la rue. Bon, ça fabrique une forme de nostalgie d'une espèce de vie possible dans un quartier où, finalement, les photos montrent quelque chose, elles ne montrent pas d'autres choses, notamment les problèmes, mais il y a une espèce d'atmosphère, un peu de carte postale comme ça, où les gens sont plutôt regardants vis-à-vis de l'objectif, ils regardent les images, ils sont dans les images, et puis il y a quelque chose qui dit on existe, quoi. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai de ces images qui sont ici, d'ailleurs qu'on va terminer d'accrocher ce soir, et que cette existence-là, elle est par rapport à ce que c'est que fabriquer une image, c'est important. Enfin, il y a quelque chose d'important, vu que c'est plutôt pas des... Enfin, maintenant, ça commence à remonter, toutes ces histoires, évidemment, mais on voit des camps de vacances, on voit des gamins qui habitent le quartier, on voit des fêtes aussi, c'est-à-dire la fête du pont rompu, on voit des gamins chanter dans des micros, des femmes, oui, bien sûr, beaucoup de femmes dans le quartier, et que tout ça a l'air quand même, dans les images, bien entendu, de circuler en termes d'existence, quoi. Et enfin, bon, voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions dans ce que je dis, mais c'est pour raconter un peu aux gens qui nous écoutent ce qu'on perçoit de à la fois une forme de vie possible et aussi de nostalgie, quoi. Et aussi de récits de gens qui n'ont pas été gâtés, quoi, par l'histoire sociale, et par l'histoire du travail, évidemment, où en gros le taux de chômage est monté à une vitesse vertigineuse. Enfin, ça, les gens le racontent. Enfin, en tout cas, c'est on peut le lire. Et aussi, sans faire de commentaires sur ce qu'on vient d'entendre, ce que raconte ça là, c'est quelque chose qui avait lieu à 30 ans. Ouais, 40 ans. 40 ans. Ça laisse traverser sur ce qu'on entend encore aujourd'hui, quoi. Enfin, voilà, j'irai pas plus loin parce que je vais pas commenter un propos qui est extrêmement clair, quoi. Moi, j'avais des amis, d'ailleurs, des copains, et ça, je peux attester, d'une part, qu'ils rentraient pas en boîte de nuit à l'époque, et les flics allaient les déposer 40 km plus loin. Et en général, ce qui était assez sympathique, c'est qu'on leur enlevait une godasse pour qu'ils rentrent à pied tranquillement, quoi. Mais voilà, c'était une espèce de quotidienneté comme ça, de vie. Bon, après, je ne vais pas faire une généralité, mais ça, je l'ai vu et entendu, parce que j'avais quand même pas mal de copains. Voilà. Donc, c'est une question de la police et tout. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas, peut-être tu peux ajouter des choses. J'ai peut-être été un peu trop généraliste. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est des images qui sont faites dans le quartier par des gens qui étaient proches des gens qui photographiaient, quoi. Et ça sent, peut-être qu'il y a quelque chose dans le regardant qui transparaît. Je pense qu'il y a de la bienveillance entre les gens qui transparaît dans le regard qui est porté, déjà. Et je pense que c'est vrai qu'il y avait une vraie vie collective, même si elle était un peu forcée, informelle, parce que c'était quand même des ghettos de gens qui travaillaient à l'usine pour pas grand-chose, dans l'industrie textile, qui dans des conditions très assez difficiles au niveau matériel. Mais c'était des gens aussi qui se souviennent d'une solidarité, d'une vie collective très intense, vraiment très intense. Quelque chose qu'ils ont perdu aujourd'hui, en fait. Alors on le voit maintenant, il y a... Je pense que c'est ça, la nostalgie, surtout. C'est que même si tu galères quelque part, si tu as des amis, si tu as des gens sur qui tu peux compter, si tu as des gens que tu revois dans les fêtes, dans les mariages, tu vis quelque chose, tu vis une vie. Enfin, t'es pas dans un... Voilà. Après, c'est clair, c'est un quartier, comme il y en a beaucoup en France, où il y a eu beaucoup de problèmes, mais ça, il n'y a pas besoin de le raconter là maintenant, parce que tout le monde le voit en rechange aujourd'hui, quoi. Mmh. On nous le dit tout le temps, on nous le dit... Donc c'est un peu le contre-pied, peut-être, de ça, ces espèces de sourires, de bienveillance qu'il y a entre celui qui photographie et celui qui est photographié, quoi. Enfin, je pense... Tout à l'heure, pendant le café des habitants, vous parliez aussi d'un travail d'atelier qui se joue sur une implantation dans le lieu. Et peut-être qu'on peut un peu raconter les films que vous avez rapportés, dire qui sont ces films, en lien avec un lieu où il y a aussi cette idée d'une implantation, d'ateliers qui sont liés à cette implantation plutôt. Peut-être que ça peut prolonger un peu aussi ce que vous venez de raconter, Benoît et Olivier. Il y a une réflexion que je me faisais pendant que vous parliez là. Moi je suis d'origine rurale, on va dire populaire, mais mon père est déjà instit. C'est déjà la partie du milieu rural qui s'est élevée d'un cran. Et logiquement, moi je devrais continuer là. Monter un petit peu plus, donc c'est peut-être pour ça que je fais une école de cinéma. Pour autant, donc cette nostalgie du milieu rural, de la qualité de la vie collective de ces années-là, j'en portais pas la nostalgie parce qu'en même temps, quand tu cherches à sortir de ce qui fait quand même un enfermement. Hein. Tu portes pas la nostalgie, tu essayes de... Bon, c'est un bon souvenir, mais on va quand même se barrer. Et par contre, dans le milieu artistique, et notamment dans le cinéma, parce que c'est assez instantané de comprendre que là, tu n'as pas envie de vivre ça. Quoi. Pour moi, c'est venu assez vite... Ce milieu extrêmement violent, égocentrique et très lié à la puissance d'argent, à la puissance de l'argent comme moteur de toute chose. Je parle pour le cinéma, hein, où la question, surtout dans ces années 70, bon, j'ai fait une académie de cinéma en plus, hein, l'IDEC, c'était... Bon. Si tu veux, je voulais plus même participer de quelle que soit la sympathie pour laquelle j'avais, d'un engagement social, collectif, socio-culturel, on va dire. Pourtant, à force de conflits, que je dirais, artistiques avec le milieu, l'endroit où j'ai pu retrouver une raison... de faire un renouvellement artistique, c'est arrivant au Panier à Marseille avec la certitude de plus vouloir travailler. C'est-à-dire, j'ai cherché un endroit où on pouvait ne plus vivre sans travailler, c'est-à-dire Marseille, dans les années 90. C'était ça, hein, pour moi, c'était ne plus travailler où je peux aller, bon, et faire du bateau. Et ce qui m'a redonné et l'envie et l'énergie et le sens de faire les choses, c'est dans ce milieu populaire, dans un quartier, avec une vie sociale et collective d'une richesse incroyable, avec une population mêlée dans un milieu pauvre. Alors pauvre économiquement, parce que très riche culturellement, parce que très... Ce qui fait que l'opportunité de faire ce qu'on appelle, ce qui est devenu un sport national maintenant, de faire des ateliers, ça ne s'est pas présenté comme ça. Ça s'est présenté parce que un enseignant dans le collège de mes filles dit, en lisant les papiers, votre père est cinéaste, qu'il vienne nous raconter, parce qu'un cinéaste à Marseille, ça n'existait pas. pas facilement, et que je n'avais rien à raconter, puisque justement je ne voulais plus en entendre parler. Mais par contre, j'avais la caméra, j'avais un Agra, j'avais une caméra. Donc j'ai proposé plutôt que d'en parler, que de faire un film, enfin qu'eux fassent un film. Et ils découvriraient ce qu'ils ont envie de découvrir avec. Et c'est la très grande liberté que j'ai vue dans ce qu'ils ont fait. C'est la grande capacité à se démerder d'une situation absolument inconnue, qui est une grande culture, une grande richesse. C'est-à-dire que c'est des gamins, puisque les premiers films ont été faits par des gamins, après on n'a pas eu de critères d'âge, mais les premiers films ont été faits par ces gosses du collège, à qui on mettait entre les mains du matériel professionnel, comme un Agra 4, une caméra Belowel sur laquelle il n'y avait aucun automatisme, des objectifs à tourelle, un gros bloc de métal que certains, simplement pour le porter, il fallait qu'il se cambre en arrière. Tellement c'est... Mais que tout ça était une situation nouvelle et que du moment que c'était nouveau, ça les excitait, quoi. Donc cette force-là, cette liberté-là, sans que jamais ils se disent « c'est pas pour nous, c'est trop compliqué » ou voilà. Cette vitalité avec laquelle ils se sont emparés de l'opportunité, c'est quelque chose qui exige de toi. Tu vois, qui derrière, tu peux pas tricher, tu peux pas renoncer, par exemple. Tu sens bien que ce qu'il y a dans cette culture-là, c'est que si tu renonces, tu meurs. Et c'est plutôt dans ce sens-là que les choses se sont faites. Voilà, c'était un peu en réaction que je me disais, le cheminement a été inverse, c'est-à-dire on n'y est pas allé. C'est eux qui sont venus nous chercher, quoi. Et cette histoire a commencé en 96, elle n'est toujours pas terminée. Mais c'est le quartier du Panier, c'est pas n'importe quoi, c'est le quartier historique à Marseille, c'est le quartier populaire, c'est le plein centre, mais c'est le quartier populaire, contrairement à la structure des autres villes. Voilà. Peut-être on peut entendre tout à l'heure dans la grande salle, on a regardé un peu certains extraits de films et tu as choisi une des bandes-sons qu'on pourrait écouter en radio de l'un de ces films dont tu parles. Donc là, on avait choisi le Panier Ciné-Journal, puisque tu parlais du Panier. Oui. Je précise un truc. Ouais. Alors. Bon, on est à la radio, donc il s'agit de films. Donc quand tu passes des extraits des bandes-sons de films à la radio, pour moi, il y a très, très, très souvent un problème. C'est du son qui est fait pour l'image, il manque un truc. Et en la réécoutant tout à l'heure, je me disais, c'est bizarre, là, il manque rien. Parce qu'on accorde énormément d'importance au travail son, et le son existe pour lui-même. Et il ne raconte pas obligatoirement la même histoire que l'image. Il y a des moments, les deux qui cheminent se retrouvent, mais chaque composante du film, son et image, existe pour lui-même. Et je pense qu'on pourrait projeter le film muet, ça marcherait aussi. On écoute une bande-son, ça marche. Et les deux ensemble, c'est encore autre chose. Merci. Parce qu'on fait ils font des paniers journaux, et il y en a 14, on est le 14. Ah, c'est sérieux ça? Oui, c'est vrai. Là, tu es en train de registrer, là? Oui. Tu as registré, là? Oui. C'est pas vrai. Si. Quand on est n'entendu. Quand. Tchon. Non. Nam. Tchon. Yum. Yeah. des films sur le panier. Pour l'école? Non. Non, pour personne. Pour nous? Oui. Vous rendez-vous aux anges, c'est quoi? Ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve. C'est pour quelqu'un, ça, non? Non. C'est pas pour l'école, c'est pour, c'est pour nous, et après, il y a une dame qui nous présente. Donc, il n'y a que le son, il n'y a pas la. Si, si. Il n'y a pas la caméra. Ah, les images, on les a fait hier. La pensée le son. Oui. Merci. Hi. Ba. Bon. Oh putain. Nam. Nam. Sao. Sao. Bai. Bai. Tam. Tam. Chín. Chín. Mười. Mười. Mười một. Mười một. Mười hai. Mười hai. Mười ba. Mười ba. Mười bốn. Mười bốn. Mười lăm. Mười lăm. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Étranger qui et quoi? Bah, on n'interroge personne. Où tu vas avec ça? On cherche du son, des gens qui parlent. Ah. On cherche comme ça, parce qu'on fait un film. Vous faites un film? Oui. Sur quoi? Sur le panier. Tu habites le panier? Oui. Oui. Allez, continue alors. Merci. Courage. À bientôt. Merci. Allez. Au revoir. Bye. Voilà le premier extrait sonore de Ciné Journal. Donc on a la... Pardon, je me reprends la parole un petit peu. C'est juste pour préciser qu'on a quand même la chance de pouvoir les voir... pendant jusqu'au 16, ici, ils seront projetés. Il y a quelques films choisis qui ont déjà été montrés à Marseille. Les films ont été numérisés, d'ailleurs, et donc là, ils ont été un peu montés selon une espèce de logique temporelle comme ça. Il n'y a pas tout, mais il y a quand même une heure de films qui sont visibles ici, en fonderie, qui sont quand même une heure de qui racontent en condensé aussi 20 ans de travail, quoi, ou de joie, je ne sais pas. Mais donc, tu voulais dire quelque chose, Jean-Baptiste, je t'ai coupé. Pardon. Ah non, c'était juste pour dire que c'était le premier extrait de je ne sais plus combien il y a de films. Dans cette série-là, tournée dans le quartier du Panier, il y en a 32, je crois. C'est des films de 3 minutes. 3 minutes, oui. Et donc, par rapport à votre présence, et puis au fait qu'on est en radio, j'aimerais bien... Est-ce qu'il serait possible qu'on se raconte, ou vous commenciez par nous raconter le polygone étoilé, en l'occurrence qui est installé dans le quartier de la Joliette, hein, si ma mémoire est bonne ou si je suis exact, et dire un peu depuis combien de temps vous y êtes et qu'est-ce qui s'y passe en fait tout au long de l'année. Je pense aussi à la semaine asymétrique où pendant une semaine vous recevez beaucoup de gens qui viennent montrer des films, et moi je suis déjà allé, mais j'aimerais bien que vous... contente d'essayer de raconter qu'est-ce qui a présidé à l'installation dans ce lieu, quels sont les outils, quel est l'accueil, et aussi évidemment par rapport à cette logique de dont on parlait, de travail d'atelier, de film d'atelier, si on peut appeler ça comme ça, dans quel type de rapport ou d'implantation, on va dire, vous travaillez dans le quartier, enfin, puisque ça c'est des choses qui, j'imagine, aussi fluctuent. Voilà ma question. Je peux parler de l'origine, oui, puisque j'y étais, et puis Martine prendra pour les 10 dernières années. Ça fait 20 ans qu'on a ouvert le lieu public, en décembre 2001. Et paradoxalement, c'est dans la continuité, c'est ces films faits avec... les gosses, puis après avec les habitants du quartier qui sont à l'origine de tout. Avec, j'ai pas dit cette anecdote que je raconte toujours, quand on a fait les films avec les gosses au collège, le prof principal, c'était le prof d'art plastique, si déjà ça, quand même, j'avais jamais rencontré ça dans un autre établissement scolaire. Donc le prof d'art plastique dit combien pour faire des films, il faut combien. Et à l'époque, on pouvait acheter du 16 mm à la FNAC. Je lui dis un film, 100 balles, une boîte. dans la cour, on va voir le directeur, il dit qu'il faudrait acheter des films pour tourner avec les enfants. Et le directeur, il met la main dans sa poche et il dit « Combien il vous faut ?» Un film, 100 francs. Alors il sort, il avait 3 billets de 100. Alors il dit « Si je vous donne 300, on peut faire 3 films ?» Ouais. Il nous a donné les 300 balles. Puis moi, j'étais un peu ahuri quand même. Et il s'éloigne puis il dit « Ah, il faudra penser à faire un dossier pour le prochain, qui servira pour le prochain atelier. » D'ailleurs, il avait toujours un coup d'avance, ce qui lui permettait de dire oui. Et cette capacité cette capacité à dire oui, et puis après on assume. Oui. C'est ce qu'on a vécu après à Marseille à ce moment-là, ce que j'ai découvert à Marseille à ce moment-là. Donc cette capacité d'accueil de la ville à toute forme nouvelle, à toute dynamique qui pouvait se déployer. Ce qui fait que quand on a continué, ça a toujours été comme ça, avec un coup d'avance. On faisait un truc. Et puis après, on allait demander des sous, mais c'était pour le suivant. Et un jour, c'est la chargée de mission au cinéma de la région qui me dit « Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Je sais pas, vous voulez continuer ?» Elle dit « Oui, mais il faut voir plus grand. » Et donc, toute chose que j'avais essayé de faire à Grenoble quelques années avant, et sur lequel on s'était cassé les dents parce que... les interlocuteurs voulaient toujours voir plus petit. Et donc, on a dit, s'il faut continuer, il faut faire du cinéma. Et là, ça demande des moyens, ça demande des locaux. Elle a dit, cherchez, puis je vous trouverai les moyens après. Donc, on a cherché l'implantation dans ce centre où on travaillait, dont on connaissait les voisins, qu'on avait commencé à rencontrer avec les ateliers. À aucun moment, à ce moment-là, on parlait de gestes artistiques. Surtout, ne jamais pas. Politique de la ville. Un chargé de mission m'avait bien dit politique de la ville. Donc, on n'a parlé que de trucs sociaux, politique de la ville. Mais on savait une chose, c'est que moi, j'étais convaincu d'une chose quand même, c'est que ça pouvait être porté que si les artistes qui accompagnaient ce geste n'étaient pas eux-mêmes entravés dans leur démarche artistique. Si ce sont des gens qui peuvent développer leur démarche artistique, à ce moment-là, ils seront à même de transmettre le mieux, et de le transmettre sans se servir, sans... Comment dire ? J'ai vu trop de films d'atelier où les gens font leurs films à travers les gens avec lesquels ils bossent. Où personne n'est, au bout du compte, satisfait, parce que ni les habitants font réellement, ni les choses qui viennent d'eux-mêmes, ni les artistes font réellement les films qu'ils auraient voulu faire. Et donc, c'est pour ça que quand on a créé le lieu, on a créé en même temps un système de résidence. Et c'est aux artistes qui venaient en résidence qu'on a dit, vous portez un moment un atelier, c'est un échange. Vous portez un atelier... Et dans cet atelier, c'est pas là que le geste que vous devez avoir, c'est de donner et de vous retirer. C'est d'ouvrir une page blanche, un espace de totale liberté. Et vous verrez, plus l'espace est vide, et plus ils l'investiront. Sur le plan artistique, pour moi, c'est le moment où je commence à découvrir quelque chose qui est que tout le monde parle cette langue, le cinéma. Et non pas simplement parce que j'ai fait une école de cinéma et que j'ai maîtrisé des codes. Dans le domaine du cinéma, ça n'existe pas. C'est une langue que tout le monde parle et que tout le monde comprend. Voilà. C'est la base du travail avec les ateliers. Vous savez tous parler cette langue-là, et nous sommes tous capables de l'entendre. Nous sommes tous capables de la parler, nous sommes tous capables de l'entendre, c'est ce qu'on a en commun. C'est de la théorie ce que je dis, parce que quand on a mis bout à bout les 30 films dont je te parlais, on ne savait pas ce que c'était, si vraiment d'autres pouvaient recevoir ce qui est tellement spécifique à ce petit groupe de jeunes et d'habitants. Est-ce que ça peut s'entendre ailleurs ? Alors, on pouvait plus ou moins le théoriser, mais Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait, j'ai rencontré une prof de philo de la Sorbonne qui a entendu parler de cette expérience et qui m'a proposé de venir le projeter à la Sorbonne. Je me suis dit, si ça passe là, il n'y a pas pire public, quoi. Donc si ça passe là, ça, c'est gagné. Et effectivement, c'est passé là. C'est passé là, on a dit qu'on leur avait filé un coup d'intraveineuse. Là, ils étaient sous LSD, ils planaient tous là, dans la salle. Je parle d'enseignants parce que comme ce n'était pas dans le cursus, il n'y avait pas d'étudiants. Hein, c'était rien que des profs et autres. Et là, oui, on s'est rendu compte que ça marchait comme on pense. C'est-à-dire que personne de ceux qui avaient fait les films, tu peux même pas dire... Il y a des films, on ne sait même pas qui les a faits. Là, bon, les deux gamines, elles étaient deux copines, elles partent ensemble, elles font en deux jours. Un jour, elles font l'image, le lendemain, elles font le son. Mais il y a des fois, il y a des mômes qui arrivaient, ils tournaient l'image, et puis c'était d'autres qui arrivaient, qui faisaient le son. Ils s'étaient parlé entre eux, vas-y, c'est bien. Ils étaient comme ça. Et donc, au sens du cinéma, il n'y a pas d'auteur. Il y a une espèce d'auteur collectif. Et comme on voulait être sûr que personne il y a quelque chose de très fort dans la vie de ce quartier-là, c'est que c'est ce sens du collectif. C'est-à-dire qu'on est tous, il y a une grande égalité, on est tous les mêmes, alors que tout le monde est très différent, mais on est tous les mêmes. Ce qui fait que, par exemple, c'est là qu'on a décidé que les films étaient anonymes. Hein, personne n'a à se valoriser de ça, puisqu'on l'a fait ensemble. Des choses comme ça. C'est devenu pertinent quand on a continué en faisant des films avec des musiciens, des groupes de musique. Plutôt que de prendre un quartier, on a pris des musiciens qui faisaient... C'est parce qu'on essayait une nouvelle caméra, là, à minima, avec des boîtes des bobines de 6 minutes. C'est-à-dire qu'on doublait le temps et maîtriser 6 minutes... utiliser 6 minutes de film, c'est déjà vachement plus complexe. Et on pensait que les musiciens avaient un sens du temps. Voilà. Sans qu'on cherche des bons musiciens ou des mauvais musiciens ou des musiciens de ceci ou de cela. Des gens qui se disent musiciens, faites un film avec votre musique. Et là, le fait que ce soit anonyme fait que vous ne pouvez même pas l'utiliser pour une promo, pour un clip. Ça a été important à ce moment-là et ça a très bien marché. Il y a des gens qui sont des musiciens connus qui ont voulu participer simplement pour expérimenter ça. Voilà, ça c'était. Et à partir du moment où on a créé la résidence, mais dans cette continuité-là du geste des ateliers, c'est devenu ce geste-là est devenu central, même dans la présence des cinéastes qui viennent, qui savent qu'à un moment il faudra. Il y a une espèce de contrat social qui se pose là très naturellement, soit sous la forme de participation aux ateliers, soit sous la forme de séances de projection de films, de participation aux activités sociales. Parce qu'on dit que on l'a voulu comme un lieu public, gratuit, puisque déjà financé une fois par les impôts, puisque c'est des subventions publiques, donc il n'y a pas à faire payer une deuxième fois. On a voulu que placer ça sous le signe d'une responsabilité publique, le soutien à la création, le soutien à ces ateliers, c'est une responsabilité publique. Mais en échange de ce qui est légitimement donné, c'est pas des cadeaux faits aux artistes, c'est juste leur donner la possibilité de travailler, ça c'est une responsabilité publique aussi. Mais on considère comme normal que les artistes aussi fassent le mouvement inverse de restitution publique. Après, il n'y a pas d'obligation. Hein. On n'est pas derrière eux. On n'a jamais obligé quelqu'un parce qu'il était en résidence à faire des heures de travaux d'intérêt généraux. Il y a des artistes qui n'y arrivent pas, c'est pas leur truc. Il n'y a pas d'obligation, mais globalement, l'ensemble de l'activité fait cette restitution au public. Et l'implantation locale